La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste. Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, microphone de Denis Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant de, en fin de semaine, c'est le marathon du Lac à Jim. On a parlé avec Xavier Dernay qui va participer au marathon du Lac à Jim. Le vainqueur de 2014 mentionne que c'est différent courir en 15 km que courir dans un 32 km comme la traversée du Lac Saint-Jean. C'est sûr que c'est différent si quelqu'un a comme objectif vraiment de faire le 15 km versus quelqu'un qui a comme objectif de finir son 32 km, ça va être un entraînement différent, mais souvent une course de 15 km peut servir de très bonne préparation pour le 32 km, comme dans mon cas. Ça va faire 2 semaines de très gros entraînements que je fais, puis je vais finir avec 15 km. Donc j'ai augmenté beaucoup le millage dans les deux dernières semaines pour essayer de peaufiner mon entraînement en vue de la traversée. Et dans un deuxième temps, Xavier Dernay nous mentionne que c'est une belle préparation pour la traversée du Lac Saint-Jean. C'est sûr que c'est différent si quelqu'un a comme objectif vraiment de faire le 15 km versus quelqu'un qui a comme objectif de finir son 32 km. Ça va être un entraînement différent, mais souvent une course de 15 km peut servir de très bonne préparation pour le 32 km, comme dans mon cas. Ça va faire 2 semaines de très gros entraînements que je fais, puis je vais finir avec 15 km. Donc j'ai augmenté beaucoup le millage dans les deux dernières semaines pour essayer de peaufiner mon entraînement en vue de la traversée. Dans un dernier temps, on sait qu'il y a un nouveau règlement cette année, le port de la combinaison, et comme Gabriel Savard de Boom Cessny, Xavier Dernay n'aime pas nécessairement cette nouvelle règle de la finale. En effet, je peux comprendre la déception de Gabriel, je la partage aussi. Je pense que c'est quelque chose qui vient dénaturer notre sport. C'est vraiment dommage pour justement des jeunes nageuses, nageurs comme elle, qui n'auront pas, dans le fond, la joie de connaître tout de l'eau libre. Donc, si tu mets un wetsuit, ben tu dénaturalises le sport, tu t'augmentes le risque de te blesser. C'est vraiment une mauvaise décision jusqu'à présent pour la FINA. Je comprends qu'ils essaient d'améliorer la sécurité des nageurs, qui attendent pas qu'il y ait un accident avant d'agir. Mais c'est arrivé très rapidement, puis un peu, si je peux utiliser l'expression, broche à foin. Là. OK. Xavier? Parlons maintenant de soccer avec les matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer. D'abord, dans la catégorie U12, Métabetchouan a défait de Boom Cessny 10-1. Et dans la catégorie U12 masculin, gain de Dolboom Cessny 3-2 sur Robertval United. Ce soir, les voyageurs de Ville-Saint-Guy vont recevoir la visite de l'équipe cubaine. L'équipe cubaine qui vraiment fait tourner les têtes depuis leur arrivée au Québec. Hier, les voyageurs qui ont perdu par la marque de 9-5 contre les Alouettes de Charlebourg. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec... on a parlé avec le nageur Xavier Dernay, la chronique du soccer de Dolboom Cessny également avec Justine Girard. Gilles Larouche vient nous parler de la semaine du golf à Saint-Prime. Et vous avez également une belle entrevue que j'ai faite avec Gilles Larouche, le directeur général du club de golf de Saint-Prime. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.